Alors, passez une bonne semaine. Ceux qui veulent, qui aiment bien faire le sexe, profitez-en avant de la semaine prochaine. Merci, Daniel.